بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. L'auteur dit, rahimahullah, babu qada il haja, la porte de qada ul haja, que nous on a traduit par la porte des besoins. Al qada dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Le sens qui est visé ici par le Sheikh rahimahullah, c'est al-intiha min ash-shay min awwalihi ila akhiri. C'est le fait d'achever quelque chose, de le finir, de le faire du début à la fin. Al-haja, c'est le besoin. Le besoin qui est visé ici, c'est al-bawlu wal-ra'it, l'urine et la défécation. Et cette porte-là, la porte de qada ul-haja, elle a plusieurs noms. Certains savants l'appellent babu al-istitaba. Bab al-istitaba, en s'appuyant sur un hadith du prophète alayhi salat wa salam, dans lequel il a utilisé ce terme. Ou bien babu listinja, aussi ça c'est une expression utilisée par les savants rahimahumullah. Mais il y a d'autres expressions, les expressions sont nombreuses, mais l'objectif de ce chapitre toujours, c'est montrer comment est-ce que le musulman doit faire donc ses besoins. Et ce chapitre-là, il montre la shumuliya de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce chapitre, il montre le caractère globalisant des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wa salam est venu tout montrer à sa communauté, dans le détail. Il n'a rien laissé, il n'a pas laissé un point nous amenant au paradis sans nous l'avoir montré, et il n'a pas laissé non plus une notion amenant à l'enfer sans ayant mis sa communauté en garde contre celle-ci. Et certaines personnes ont questionné des compagnons, en se moquant, en disant « Allamakum, inni rasulukum kulla shay'in hatta al-khara'a » Votre prophète, il vous a enseigné toutes choses, même comment déféquer, comment faire ses besoins. Et le compagnon a dit « Ajel, bien sûr, il nous a appris toutes choses. » Le prophète A.S. est venu avec toutes choses. Cette sharia-là, elle est globalisante, non pas comme veulent certains laïcs, certaines personnes se prétendant musulmans ou bien des laïcs ne se prétendant pas musulmans veulent avancer que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala est restreinte simplement à la mosquée ou à la maison de la personne. Non. Si le prophète alayhi salat wa salam est venu enseigner ce qui est en lien avec faire ses besoins, s'il est venu nous enseigner la bienséance des toilettes, qu'en est-il alors? Qu'en est-il du reste de la vie, des autres domaines de la vie de l'être humain? Il n'y a pas de doute que le Qur'an et la sunna sont venus montrer les chemins menant au bonheur dans l'économie de l'humanité, dans la politique, dans le mariage, dans le commerce, etc. Donc cette porte-là, elle montre la adama, l'immensité de cette sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes, certains anadiqa, certains munafiqoun, certains hypocrites, se moquent de ces notions-là. Se moquent de ces notions-là selon lesquelles cette religion est venue montrer ces détails-là, comment faire ses besoins. Et nous répondons au contraire que cette sharia, c'est parce que c'est celle, c'est la dernière des sharia, c'est la dernière des législations, et c'est la seule qui est digne d'être appliquée, et c'est la seule amenant l'humanité au bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. C'est parce que elle a cette caractéristique que justement elle est venue jusqu'au moindre détail. Elle est venue montrer toute chose à l'humanité jusqu'au moindre détail. Alors que les autres législations, que ce soit celles des juifs, des chrétiens ou autres, aujourd'hui elles n'ont plus ces détails-là. Elles sont d'abord abrogées, donc obsolètes. Celui qui les applique est un mécréant dans ce bas monde et sera éternellement en enfer dans l'autre monde. Mais en plus, en termes de détails, en termes de transmission de la sunna, de la tradition des prophètes précédant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on n'a quasiment rien. Les chrétiens n'ont pas de détails quant à la vie de Isa alayhi salam. Nous musulmans, nous avons peut-être plus de récits qu'eux sur Isa alayhi salam. De même les juifs concernant Moussa, ils n'ont pas une législation globalisante. Et d'ailleurs eux-mêmes ne cherchent même pas cela, ne cherchent même pas à ce que l'humanité complètement entre dans leur religion. Les juifs ne cherchent pas à ce que toute l'humanité entre dans le judaïsme. Alors que cette loi-là, elle est globalisante, elle est générale, universelle, pour tout temps et tout espace. Et ce chapitre-là le montre. Ce chapitre-là le montre. Babu qada il haja. L'auteur dit, rahimahullah, yustahabu liman arada dukhul al khala'i an yaqul bismillah. Yustahabu, il est recommandé. On avait dit que les ahkam taklifiya, donc les statuts responsabilisants, ça c'est une traduction personnelle, les statuts donc de taklif responsabilisants sont au nombre de 5, al-wajib, l'obligatoire, al-mustahab, qui est en deçà du wajib, qui est le recommandé, al-mubah, le permis, al-makruh, le détestable, al-muharram, l'interdit. Ici l'auteur dit yustahabu, il est recommandé. Donc celui qui va faire l'acte ou bien les actes qui vont être cités ensuite, il est inshallah récompensé, et s'il les délaisse, il n'est pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au wajib, qui lorsqu'on le fait, inshallah on est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si on le délaisse, on est soumis au châtiment d'Allah azza wa jalla. Le mubah est celui dont les deux extrémités sont en équilibre. Ni la législation l'a ordonné et ni elle l'a interdit. Le makruh, c'est ce que la législation a interdit, mais pas d'une manière tranchée, sévère. Si on le fait, on n'est pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si on le délaisse, bi'idhnillah, on est récompensé. Quant au muharram, si on le délaisse, inshallah, on est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si on le fait, on est châtié, wallahu a'lam. Donc il dit yustahabu, les recommandés, liman arada dukhul al-khala, pour celui qui veut entrer aux toilettes, al-khala. Al-khala, donc c'est un nom pour donc nommer l'endroit où est-ce que l'on fait ses besoins. On appelle ça al-khala, ou bien al-kanif. Al-kanif, c'est celui qui est dans les maisons. C'est l'endroit où l'on fait ses besoins dans les maisons. Al-khala, al-kanif, aussi al-hush. Al-khala, al-hush, al-kanif. Tous ces termes-là désignent, en gros, d'une manière générale, les endroits où ce que l'on fait nos besoins. Yustahabu liman arada dukhul al-khala, il est donc recommandé pour celui qui veut entrer aux toilettes, an yaqul, qu'il dise bismillah, qu'il dise bismillah au nom d'Allah. La preuve de cela, le hadith suivant, an Ali radiyallahu an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal sitru ma bayna a'yuni al-jinni wa awrati bani adam idha dakhala ahaduhum al-khala'a an yaqula bismillah, rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Selon Ali radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et les parties intimes des fils d'Adam, lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes, c'est qu'ils disent bismillah. Le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et les parties intimes des fils d'Adam, lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes, c'est qu'ils disent bismillah. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc il fait partie de la sunnah, c'est recommandé, pas obligatoire, avant d'entrer aux toilettes. Idha dakhala ahaduhum al-khala, lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes, ce n'est pas après être entré aux toilettes bien sûr, mais avant d'entrer aux toilettes. Donc il fait partie de la sunnah de dire bismillah, de dire bismillah. Et quel est l'intérêt donc de ce dhikr, de cette évocation? C'est que c'est un voile entre notre awra, nos parties intimes, et les yeux des djinns, comme il a été cité dans le hadith précédent. A'udhu billahi min al-khubuthi ou al-khubuthi wal-khaba'ith. A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. A'udhu billahi, je me mets sous la protection d'Allah. Min al-khubuthi, avec la dhamma sur le bas. Min al-khubuthi. Donc ça va être le jam' de khabith, le pluriel de khabith, qui est dhukran ush-shayatin, qui sont donc les démons mâles. Wal-khaba'ith, ça va être ici, lorsque on va dire auparavant khubuthi, min al-khubuthi avec la dhamma, ici le mot khaba'ith, ça va être inath ush-shayatin, ça va être les femelles démons. Il y a une autre version, a'udhu billahi min al-khubuthi, avec un sukun sur le ba, min al-khubuthi. Al-khubuth, ça va être le mal de manière générale. Wal-khaba'ith, lorsqu'on va mettre le sukun sur al-khubuth, le mot khaba'ith ensuite va vouloir dire, va renvoyer aux démons mâles et femelles. Le dalil de cette évocation-là, c'est le hadith suivant, an Anas radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-khala'a qal allahumma inni a'udhu bika min al khubsi ou bien min al khubusi wal khaba'ith rawahu as-sab'a. Selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entrait aux toilettes, disait Allahumma inni a'udhu bika min al khubusi ou bien al khubsi wal khaba'ith. Le hadith est rapporté par les sept. Qui sont les sept selon donc la terminologie d'Ibn Hajar? Nous avions dit Al-Bukhari Muslim, les quatre sunan, ça fait six, et on rajoute Ahmed, ça fait sept. Al-Bukhari Muslim, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, et Ahmed, rahimahumullah. Kana Rasulullah, cette expression en arabe, Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tufidu al-istimrar. Ça montre qu'il le faisait tout le temps, alayhi salatu wa sallam. Qu'il faisait ça de manière régulière. Donc ce n'est pas un acte ponctuel qui a été rapporté par un compagnon, mais Anas, lorsqu'il dit Kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer que le prophète, alayhi salatu wa sallam, disait tout le temps cette expression-là. Et il y a des versions où le mot Bismillah a été rapporté dans cette évocation-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Il y a certaines versions où il est rapporté, donc Anas a dit, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'entrer aux toilettes, disait Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Mais l'ajout Bismillah ici, c'est un ajout shadh, singulier, donc qui est faible. Mais il est authentique de par le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith de Ali, radiyallahu anhu. Donc il est légiféré avant d'entrer aux toilettes de dire Bismillah par rapport au hadith de Ali et d'ajouter A'udhu billahi min al-khubuthi ou bien al-khubsi wal-khaba'ith par rapport au hadith d'Anas qu'on vient de citer radiyallahu anhu. Wa min ar-rijsi najasi ou bien an-najisi wa min ar-rijsi et contre l'impur an-najisi de même impur aussi ash-shaytan ar-rajim le Satan lapidé. Quant à cette évocation là elle n'est pas légiférée, wallahu a'lam, car elle est tirée d'un hadith qui est faible. Elle est tirée d'un hadith qui est faible, rapporté par Ibn Majah, rahmatullahi alayh, selon Abu Umama radiyallahu an. Et wallahu a'lam, le hadith est faible. Il y a dans sa chaîne de transmission Ali ibn Yazid al-Dimashqi, et il est faible, wallahu a'lam. Donc, avant d'entrer aux toilettes, on a deux évocations qui sont authentiques. La tasmiya, bismillah, et a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Et ce qui a été rapporté en plus est faible, wallahu a'lam. Wa idha kharaja qala. Et lorsqu'il sort, il dit. Donc après être sorti des toilettes, après être sorti des toilettes, l'évocation suivante est légiférée ghufranak. Ghufranak. Qui veut dire ton pardon. Ghufranak, ton pardon. Et là-bas, c'est Rufranouk, avec une dhamma sur le noun. Rufranoun, c'est un pardon. Rufranoun. El Rufranou, le pardon. Et là, il y a un damir après. Rufranek, ka, c'est ton, en français. Ton pardon. Kitabouka, ton livre. Beytouka, ta maison. Kamisouka, ton kamis, etc. Là, on a Rufranaka, avec une fetha sur le noun et non pas une dhamma. Car c'est un mef'ulun bihi, entre guillemets un COD à la française, mef'ulun bihi, li fi'lin mahdouf, taqdiruhu as'aluka. Il y a un verbe qui est sous-entendu avant le mot rufra'anak, qui est as'aluka, je te demande ton pardon. Bon, cette notion elle est importante à comprendre parce que quand on fait nos évocations, vous savez que l'évocation elle ne doit pas se faire seulement sur la langue mais aussi avec le cœur. Mais aussi avec le cœur. On doit vivre donc ces adhkars-là, ces diverses évocations qui ont été légiférées par Allah, le prophète alayhi salatu wassalam. Et notamment là, c'est une demande de pardon. Elle demande de pardon, elle doit se faire avec le cœur avant d'être faite avec la langue. Wallahu a'lam. Donc c'est je te demande ton pardon. Rufranak, je te demande ton pardon. Wa dalilu ala hadha an Aisha radiyallahu anha. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الخمسة من هم الخمسة أصحاب السنن الأربعة الترمذي النسائي أبو داود وابن ماجه ونضيف إليهم أحمد سنة عائشة رضي الله عنها le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il sortait des toilettes disait غفرانك rapporté par les cinq qui sont les cinq les quatre des sunnans At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah et on ajoute à eux l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Quel est l'intérêt de cette évocation Al-Munasaba, l'intérêt de cette invocation même. Car là c'est Rufaranak, ce n'est pas une évocation, c'est une invocation, un dua. Quel est l'intérêt de ce dua après être sorti des toilettes? Les savants ont cité plusieurs sagesses. Wallahu a'lam. Certains ont dit لِأَنَّ الْخَلَاءَ مَظِنَّةُ الْغَفْلَةِ وَالْوِسْوَاسِ. Parce que Al-Khala, donc les toilettes, sont un endroit où il y a de grandes probabilités que la personne soit dans l'insouciance, entre guillemets, dans un moment de distraction, et aussi que des waswas, des insufflations de Satan, les toucher. Donc en sortant des toilettes, il est légiféré de dire cela par rapport à ce manque de concentration, peut-être de khushu', de recueil envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une parole qui a été citée par Cheikh Ibn Taymiyyah dans son charh de Umda. D'autres ont dit, et ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim dans Irathat al-Lahfan, rahimallah, il dit que la personne, après avoir été déchargée par Allah subhanahu wa ta'ala, donc de ces impuretés matérielles-là, qui se trouvent dans son estomac, dans ses intestins, après avoir subi ce bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se rappelle les impuretés qu'il a notionnelles en termes de péché aussi, dans sa vie. Et tout comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de ce bienfait, de l'avoir déchargé de ses impuretés matérielles, alors il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, qui est le fait de le décharger des impuretés notionnelles qui sont les péchés. D'autres ont dit l'inqita'i dhikr, parce que il n'est pas permis d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala donc dans ces endroits-là, et du fait que le prophète alayhi salatu wa salam donc avait cette coupure d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors en sortant il demandait le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce manque, Allah a'lam. Et cette raison-là, Cheikh Al-Uthaymin il a critiqué dans son livre Al-Mumti' dans son charh de Zad al-Mustaqni', en disant que la coupure par rapport au dhikr, elle est due à une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de ne pas l'évoquer dans les toilettes. Donc dire cela n'est pas juste, car il n'y a pas de raison de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala après une coupure d'évocation qui est légiférée à la base. Wallahu a'lam ala kulli hal. La parole d'Ibn al-Qayyim, elle est forte et surtout belle au niveau de la tazkiya, de la purification de l'âme, du fait de se rappeler le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné en nous déchargeant donc de ces choses-là qui, si elles étaient restées dans notre corps, nous auraient sûrement détruits, et de demander donc à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décharge de nos péchés. Wallahu a'lam. L'auteur dit, rahimahullah, wa idha kharaja qal ghufranak. Nous avons donné la preuve. Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa 'afani. La louange est à celui qui a fait donc partir de moi al-adha, le mal, wa 'afani, et m'a sauvé. Ce dhikr là, Allah a'lam, il n'est pas légiféré non plus, car il est tiré d'un hadith qui est faible, rapporté par Ibn Majah, rahimahullah. La version est rapportée par le compagnon Anas, radiyallahu anhu. Dans la chaîne de transmission, il y a Ismail ibn Muslim al-Makki, il est faible aussi. Wallahu a'lam. Donc il n'est pas permis de faire cette invocation-là, même si certains savants disent qu'elle est munasiba, l'ilmautin, elle est pertinente par rapport donc à l'événement. C'est-à-dire que la personne, après être sortie donc des toilettes, ayant eu le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être débarrassée de ces choses-là qui, si elles étaient restées en lui, l'auraient détruit, elle lui aurait fait du mal, l'aurait rendu malade, l'aurait même tué. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que de pouvoir faire ses besoins. Donc il est pertinent de faire ce dhikr-là. Mais Allah alam, la pertinence ne suffit pas pour pouvoir rétablir donc une évocation qui n'a pas de base authentique donc dans la législation. Il n'est pas permis d'utiliser donc ce hadith-là pour pouvoir faire cette invocation. Wallahu a'lam. Et l'utilisation du hadith da'if, ça c'est un point qui est important, et beaucoup de personnes ont des confusions à ce niveau-là. L'utilisation du hadith da'if, il est vrai que la majorité donc des savants, l'imam al-Nawawi, dans son introduction de Al-Arba'in al-Nawawi, a dit qu'il y a consensus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le hadith faible concernant At-targhib wa at-tarhib, concernant les exhortations et les avertissements. Ou bien concernant fada'il al-a'mal, les récompenses des actes. Mais ça, ce n'est pas de manière absolue. Il y a plusieurs conditions. Le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, il les a citées. La première, la yakuna shadid al-da'f, c'est que le hadith ne soit pas très faible, que sa faiblesse soit légère. Thaniyan, an yandarija tahta hukmin 'am, c'est que le hadith, il renvoie à un statut existant déjà, donc dans la législation. C'est que ce hadith-là vienne motiver ou bien avertir, donc à une action qui est déjà présente à la base, soit par un verset, soit par un hadith authentique, soit par un consensus. Mais le hadith faible, de manière indépendante, ne peut pas permettre donc de faire une action, si jamais elle n'est pas légiférée à la base par une source authentique. Une autre condition qui est citée par les savants, c'est que lorsqu'on le rapporte, le hadith faible, un yurwa bisirati tamarid, c'est qu'il soit rapporté par la voie passive. Ruwiya anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est interdit de dire qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de dire ça. Ou bien anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien anna nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal. On est obligé de rapporter la voie passive. Et ça, Cheikh Al-Uthaymin, il a même dit que ça dans son Sharh d'Al-Bayquniya, qui est un poème concernant les règles de la terminologie du hadith. Il a dit que même ça, c'est valable, mais avec les étudiants et les savants. Car lorsque tu vas dire « Rouya », il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à monsieur, madame, tout le monde, eux, ils ne savent pas cette règle-là. Donc, ils vont répéter ce hadith-là. Et Al-Awam, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont comme règle ?« Ma qila fil mihrab fa huwa sawab. » Ce qui a été dit dans le mihrab, c'est juste. Beaucoup de gens, c'est impensable pour eux qu'un imam, un imam de base, alors sans parler d'un savant, qu'il dise un hadith faible, sans parler d'un hadith mensonger. Et ils se trompent. Beaucoup de gens aujourd'hui disent des hadiths faibles. Sur les minbars, dans les khutbah jumu'ah, dans les durus, beaucoup de gens disent des hadiths faibles. Aussi un autre critère, « Alla ya'taqida annahu qalahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Il ne faut pas qu'il ait donc la croyance que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ce hadith là. Allah alam la vie. Allah alam qu'il faut suivre, surtout vu l'état de la communauté, l'ignorance existante aujourd'hui auprès des musulmans, c'est de ne pas rapporter de hadith faible de manière totale et absolue, sauf en montrant de manière claire et insistante et insister que le hadith il est faible. Donc il y a une richesse dans les hadiths authentiques et ils sont suffisants, inshallah. Donc il n'est pas permis de dire Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi al-dukhul wa al-yumna fi al-khuruj. Donc et il donne la priorité, il avance son pied gauche lors de l'entrée, donc aux toilettes, wa al-yumna fi al-khuruj, et le pied droit lorsqu'il en sort, et le pied droit lorsqu'il en sort. Quelle est la preuve de cela? D'abord, il faut savoir que dans la charia, les savants sont en accord unanime, il y a ijma', consensus, que le côté droit, de manière générale, que la main droite a la priorité dans les actes, donc qui sont honorables. Et quant aux actes qui relèvent de choses méprisables, non honorables, on donne la priorité pour cela à la main gauche. Et cette règle-là, elle est fondée donc sur un ensemble de hadiths montrant que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait sa main droite pour les choses honorables et la main gauche pour le reste. Quels sont ces hadiths? Le premier, an Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa sha'nihi kullihi, muttafaqun alayh. Selon Aisha radhiyallahu anha, elle a dit qu'il plaisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussures, fi tana'ulihi, wa tarajjulihi, lorsqu'il se peignait, il se brossait les cheveux, wa tuhurihi, et lors de sa purification, wa sha'nihi kullih, et dans toutes ces situations. Et le hadith est unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ce hadith nous montre que le prophète alayhi salatu wa sallam aimait donc commencer par le côté droit. Donc lorsqu'il mettait ses chaussures, il commençait par son pied droit. Et lorsqu'il se brossait, se peignait, il commençait par la partie droite de sa tête. Et lorsqu'il faisait ses ablutions, il commençait donc par le membre droit avant de commencer par le membre gauche, lorsqu'il y a dualité dans les mains, dans les pieds. Dans un autre hadith, wa anha, an Aisha radiyallahu anha, kanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha, rawahu Abu Daoud. Toujours selon Aisha radiyallahu anha, elle dit que la main droite du prophète, la main droite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était utilisée pour sa purification et sa nourriture, et la main gauche était utilisé donc pour les toilettes et tout ce qui relevait de choses mauvaises, rapporté par Abu Daoud. Et l'imam al-Nawawi, donc dans son livre Al-Majmou', Ibn Qasim rahimahullah dans sa Hashiyat al-Rawd al-Murbi', ils ont rapporté le consensus selon lequel les savants sont en accord sur le fait que le côté droit, la main droite sont utilisés donc pour les choses honorables et la main gauche pour le reste. Donc c'est sur ce point-là que s'appuient les savants pour dire que lorsqu'on entre aux toilettes, on commence par le pied gauche. Car il n'y a aucun doute que les toilettes donc, relèvent des endroits méprisables, mauvais, hein, que les personnes n'aiment pas et qui relèvent donc des choses mauvaises, entre guillemets, de manière générale. Quant au fait d'en sortir, on sort donc d'un endroit mafdoul, donc qui est non honoré, il a fadil à un endroit qui est honoré, qui est l'extérieur. Donc c'est sur ce point-là, cette règle-là, que s'appuient les savants, rahimahumullah, pour cette règle-là. Et de même pour la maison. De même pour la maison. Ils utilisent cette règle-là aussi pour dire lorsqu'on entre chez soi, on entre avec le pied droit. Et lorsqu'on en sort, on sort avec le pied gauche. Et ils ont divergé sur la personne qui sort pour aller à la mosquée, par exemple, qui a pour objectif d'aller à la mosquée lorsqu'il sort de chez lui. Ou bien lorsqu'il sort de chez lui pour aller à un cercle de science. Est-ce qu'il sort avec le pied droit du fait qu'il vise un endroit et surtout un acte qu'il va faire qui est honorable par rapport à chez lui? Ou bien est-ce qu'il sort toujours du pied gauche par rapport à l'extérieur qui, de manière générale, est moins honorable que le chez-soi? Allah alam, il sort toujours du pied gauche, wallah alam. Et ils ont utilisé, les fuqaha, cette règle-là dans divers endroits. Même pour la banque à intérêt. Les savants contemporains disent que tu rentres dans la banque avec le pied gauche et tu en sors avec le pied droit. Parce que c'est un endroit dans lequel on traite avec les intérêts. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste cet acte-là. Donc ces qawaïd, ces fuqaha, ces jurisconsultes, ça c'est quelque chose que les jeunes doivent comprendre. Ce ne sont pas des gens qui dorment par rapport au délil et à l'authenticité des textes. Certaines personnes pensent qu'on est dans le siècle du réveil et du retour au délil sahih. Non, c'est faux ça. Les premiers savants étaient des savants qui étaient pointillistes, hein, qui faisaient très attention à ce qu'ils disaient. C'était des gens qui avaient une crainte bien trop importante pour dire des choses et les attribuer à Allah et son prophète sans aucune preuve. Il dit ensuite, rahimahullah, donc Ibn Qudamah al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, wa la yadkhuluhu bi shay'in fihi dhikrullah ta'ala. Et il n'y pénètre pas, donc dans les toilettes, avec quelque chose sur laquelle il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. La base par rapport à cette règle-là, c'est un hadith faible. C'est un hadith qui est faible. C'est le hadith selon lequel le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il entrait aux toilettes, il a enlevé sa bague sur laquelle il y avait écrit Muhammadun Rasulullah. Il avait une bague, alayhi salatu wa salam, sur laquelle il y avait écrit Muhammadun Rasulullah, et lorsqu'il entre aux toilettes, il l'a enlevé. Ce hadith est faible. Nous le citons en arabe, an Anas radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam labisa khataman naqshuhu Muhammadun Rasulullah fakana idha dakhala al-khala'a wada'a. Rawahu al-Bayhaqi wal-Hakim بهذا اللفظ والأربعة وهو ضعيف. سنو أنس رضي الله عنه. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait une bague sur laquelle il y avait écrit Muhammadun Rasulullah. Muhammad était en bas, au-dessus il y avait écrit Rasul et au-dessus il y avait écrit Allah par le respect, par respect du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah était écrit au-dessus du sien. فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ. Et lorsqu'il entrait aux toilettes, il enlevait. Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi Al-Hakim, selon l'expression qu'on a citée, et aussi par les quatre, donc des sunnans, mais c'est un hadith faible. Mais la base, c'est quand même de ne pas entrer donc dans les toilettes avec quelque chose comportant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être respecté. Allah dit « وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » Celui qui donne de l'importance aux législations d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être protégé de ce type d'endroit. Notamment car cet objet-là peut tomber et donc être sali par l'urine ou autre chose qui se trouve dans les toilettes. Mais al-hukm, le statut de cette chose-là, c'est al-karaha, chez la majorité. C'est que c'est makruh. Sauf pour le mushaf, la majorité écrasante des savants disent que c'est haram, qu'il est interdit d'entrer avec le mushaf, donc dans les toilettes. Et quand on dit mushaf, c'est le Coran en papier. Le Coran, donc en support papier que l'on connaît, le mushaf. Quant au fait d'entrer donc avec tous ces appareils aujourd'hui qui existent, toutes ces choses qui existent, donc le portable par exemple, dans lequel on a le Coran, dans lequel on a des hadiths, une clé USB, dans laquelle il y aurait le Coran, dans laquelle il y aurait des doros, où on évoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, des documents, Word, PDF, etc., qui, si on les ouvre, comportent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam. Ça d'abord, c'est une mis'ala ijtihadiyya. C'est un point d'ijtihad. Donc les savants ont divergé par rapport à cela, mais la grosse majorité, Allah alam, disent que c'est permis. Car ce sont simplement des fréquences et des ensembles de lettres et de chiffres qui, lorsqu'ils sont mis dans l'appareil avec lesquels ils sont utilisés, donnent ensuite le Coran. Mais à la base, donc ce n'est pas des lettres coraniques présentes et qui sont toujours là. Donc Allah alam, beaucoup de savants, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, donnent la permission d'entrer avec ce type d'appareil dans les toilettes. Donc en dehors du mushaf, une bague sur laquelle il y a par exemple le nom d'Allah ou bien toute autre chose dans laquelle il y a le nom d'Allah, on parle de karaha quand cette chose-là, donc elle est à l'extérieur, quand elle n'est pas dans la poche. Et si jamais c'est dans la poche, la baisse, il n'y a pas de problème à entrer avec aux toilettes. Comme des billets, par exemple, dans lesquels il y aurait le nom d'Allah. Dans certains pays, il peut y avoir le nom d'Allah sur des pièces ou sur des billets. Entrer avec cela, alors que ce soit à l'extérieur, qu'on tienne comme ça dans la main cette chose-là, ça c'est makruh, c'est détestable. Mais si on le met dans la poche, Inch'Allah, c'est permis, Allah. L'imam Ahmed a dit, rahimahullah, Al-Khatamu idha kana fihi ismullah, yaj'aluhu fi batini kaffih. L'imam Ahmed a dit, la bague, si jamais elle comporte le nom d'Allah, il la met dans l'intérieur de sa main. Donc à l'intérieur, contre sa paume, il ferme sa main. Et il entre aux toilettes. Et cette parole, c'est la parole d'Ishaq ibn Rahawi, aussi ibn al-Musayyib, al-Hassan, al-Basri ibn Sirin, rahmatullah alayhim, ils ont cette parole-là. Cette parole, cet ensemble de paroles, il est rapporté par Ibn Qudama, l'auteur de notre texte, dans Al-Mughni, donc c'est une encyclopédie par rapport au fiqh, rahimahullah. Quant au mushaf, on a bien dit c'est haram, notamment dans le madhhab Hanbali. Dans d'autres écoles, si on le met dans la poche, notamment dans l'école malikite, c'est permis si on le met dans la poche, mais Allah a'lam al-mushaf, yambari an yuhtaram wa yuqaddas, il faut le respecter et ne pas entrer avec dans les toilettes. Sauf si jamais on a peur, donc qu'on nous le vole, ou bien on a peur qu'en le laissant à l'extérieur, il subisse quelque chose, qu'il soit volé, ou bien qu'un mécréant, quelqu'un vienne le piétiner, le brûler, ou autre. Donc il est permis à ce moment-là d'entrer avec le mushaf dans les toilettes, ou toute autre chose comportant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la raison pour laquelle on le fait pénétrer est valable, et c'est pour sa protection. Mais entrer à la base avec le mushaf, surtout dans le madhhab Hanbali, c'est quelque chose pour laquelle les savants étaient très sévères. L'imam al-Mardawi, dans son livre Al-Insaf, il a dit, rahimahullah, Amma dukhulul khala'i bi mushafin min ghayri haja, fala shakka fi tahrimihi qat'an, wa la yatawaqqafu fi hadha aqilun. L'imam al-Mardawi a dit, quant au fait d'entrer dans les toilettes avec un courant sans raison valable, il n'y a pas de doute que ceci est interdit de manière tranchée et personne donc ne s'arrête par rapport au fait de statuer que c'est haram tant qu'il possède la raison. Personne n'ayant une raison n'hésitera à dire que c'est haram selon l'imam al-Mardawi, wallahu a'lam. Donc on revient à la parole d'Ibn Qudama rahimahullah, notre texte, wala yadkhuluhu bi shay'in fihi dhikrullah ta'ala. Et il n'entre pas donc aux toilettes avec quelque chose sur laquelle il y a le nom d'Allah mentionné, illa min haja, sauf donc par besoin, sauf s'il y a un besoin, nous avons dit par exemple, il a peur qu'on lui vole ou autre. Wa ya'tamidu fi julusihi 'ala rijlihi al-yusra. Et il s'appuie lorsqu'il est assis sur son pied gauche. Donc ici le cheikh dit que lorsque la personne est dans les toilettes, donc il est recommandé, il fait partie de la sunna, de s'appuyer sur son pied gauche, hein, plutôt que de se mettre sur le pied droit seulement, ou bien sûr en équilibre sur les deux. Et cette notion-là, elle est tirée d'un hadith faible. Donc elle n'est pas légiférée, wallahu a'lam. Le hadith, il est rapporté par At-Tabarani, fil kabir, an Suraqah ibn Malik, radiyallahu anhu. قال له رجل كالمستهزئ أما علمكم كيف تقرؤون يعني رجل قال لي سراقة بن مالك أما علمكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرؤون قال بلى والذي بعثه بالحق علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. سراقة بن مالك رضي الله عنه il était parmi un groupe de personnes. Et il a dit, Allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et un homme a dit en se moquant, est-ce qu'il ne vous a pas enseigné comment déféquer, comment faire vos besoins? Et il a dit, bala, il a dit, bien sûr, il nous a appris, alayhi salatu wa sallam, lorsque nous étions dans les toilettes, de nous appuyer sur le pied gauche et de remonter le pied droit. Mais le hadith est faible. Le hadith est faible, wallahu a'lam. Donc il ne fait pas partie de la sunna de faire ça. La personne fait ce besoin assis, dans la position qui lui est le plus confortable. Et certains savants disent qu'il y a un intérêt médical dans cette position-là et que cela facilite la sortie des excréments. Wallahu a'lam. Si jamais ceci est prouvé médicalement, alors il est permis. Je ne dis pas il est permis, alors il sera légiféré. Il sera alors légiféré de s'asseoir dans cette position-là pour l'intérêt médical qu'elle comporte, mais pas dans le sens que c'est une sunna. Sinon, à la base, c'est permis. On peut s'asseoir sur son pied droit, sur les deux, sur le pied gauche. Mais faire cela, c'est-à-dire s'asseoir sur le pied gauche dans le sens où c'est recommandé, où c'est une sunna, on ne peut pas, car le hadith n'est pas authentique. Wallahu a'lam. Le cheikh dit, rahmatullah alayhi, ensuite, « Wa in kana fil fada'i ab'ada wa statar » Et si jamais il est donc dans la nature, al-fada, dans la nature, c'est-à-dire il n'est pas dans un endroit délimité, des toilettes qui sont entre quatre murs, s'il est fil-fada, c'est-à-dire dans la nature, wa in kana fil-fada ab'ada wastatar wa irtada li bawlihi mawdi'an rikhwa wa in kana fil-fada. Et s'il est dans la nature, ab'ad, il s'éloigne. Donc lorsqu'une personne va faire ses besoins, il est certain qu'il va se mettre dans une situation où il est à même que l'on voit ses parties intimes. Donc il est légiféré, lorsque l'on fait nos besoins dans la nature, de faire certaines notions. La première, le cheikh a dit « ab'ada », donc s'éloigner, pour se protéger du regard des gens. Et aussi parce que d'éventuels sons peuvent sortir de la personne, qui pourrait revenir en mal contre lui par rapport à sa réputation ou autre. Donc il est légiféré de s'éloigner. Quelle est la base dans ceci? Le hadith suivant, an al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa qala ya Mughira khudh al-idawa fa akhadtuha fa intalaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tawara anni fa qada hajatahu muttafaqun alayh. Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, il dit, kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Il me dit, oh Mughira, khudh al-idawa, prends donc le récipient. Fa'akhadtuha, je l'ai pris. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta tawara anni. Et le prophète alayhi salatu wa sallam est parti jusqu'à ce qu'il se cacha de moi. Jusqu'à ce qu'il se cacha donc de moi, je le perdis de vue. Faqada hajatah et fit ses besoins. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc de ce hadith-là, on voit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est éloigné de Mughira ibn Shu'bah. Il s'est éloigné de lui jusqu'à ce que Mughira ne le voyait plus. Dans un autre hadith, an Jabir radiyallahu anhu qal, kana sallallahu alayhi wa sallam idha arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahad, rawahu Abu Daoud wa sahahu Sheikh al-Albani rahimahullah. Selon Jabir radiyallahu anhu, il dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait donc faire ses besoins, il s'en allait jusqu'à ce que personne ne le voie. Le hadith rapporté par Abu Daoud, Sheikh al-Albani rahimahullah l'a authentifié. An al-Mughirata من شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب رواه الترمذي وأحمد. Selon Al-Mughira ibn Shu'bah رضي الله عنه, celui qui a rapporté le hadith, il y a deux hadiths précédemment, قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, j'étais avec le prophète صلى الله عليه وسلم en voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla faire ses besoins et il s'éloigna. Et il s'éloigna, rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed. Donc ça, ce sont les hadiths concernant le fait que Al-Ib'ad, l'éloignement, est légiféré. Et ça, c'est lorsque l'on est donc dans la nature. Wastatar, et il se cache, se voile. Al-Istitar, c'est le fait de mettre quelque chose entre soi, entre soi-même, et les personnes, et entre les gens. Donc l'istitar est recommandé. Et l'istitar qui est recommandé, c'est l'istitar de tout le corps. Mais quant à l'istitar, le fait de voiler, de cacher ses parties intimes, ça c'est un wajib. C'est un wajib. Donc s'il y a des personnes autour de nous, qu'il y a quelqu'un qui nous voit, ce qui est obligatoire de voiler, c'est les parties intimes. C'est les parties intimes. Mais il est recommandé de s'éloigner. Et il est aussi recommandé de se voiler. Il est aussi recommandé de se voiler complètement. Quelles sont les preuves concernant cela? Le hadith al-awwal an Abdillah ibn Ja'far radiyallahu anhu, an Abdillah ibn Ja'far radiyallahu anhu qal, wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadafun aw ha'ishun nakhl, rawahu Muslim. Selon Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhu, il dit, et ce que préférait prendre le prophète, alayhi salatu wa salam, donc comme voile, donc comme chose, le cachant des gens, hadafun, un bouclier, aw ha'ishun nakhl, ou bien un groupe de palmiers, un ensemble de palmiers. Et le hadith est rapporté par Muslim. Donc là, de manière claire, on voit qu'il est recommandé de mettre quelque chose entre soi, entre soi-même et les gens. Et qu'est-ce que préférait le prophète alayhi salatu wa sallam? Un bouclier ou bien un groupe de palmiers, et ceci parce que c'était notamment présent à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais il est permis de prendre toute chose, inshallah, qui nous permet, inshallah, de se voiler de la vue des gens. Parfois, c'est important. On peut avoir une envie pressante, être sur l'autoroute et ne pas pouvoir être dans une aire où il n'y a pas de toilette ou autre, utiliser sa voiture par exemple, l'istitar avec la voiture. Ou bien que quelqu'un utilise un voile, une couverture ou autre, et qu'il la mette devant nous pour qu'on puisse faire nos besoins. Donc ça, c'est une règle importante à appliquer afin que la awra, la partie intime de la personne, soit toujours à l'abri de la vue d'autrui. Wa in kana fil fada'i ab'ada. Donc si la personne est dans la nature, ab'ada, il s'éloigne. Wa istatar, et ce voile, وارتاد لبوله موضعا رخوا, et il choisit donc pour son urine un endroit mou. الرخو, c'est l'endroit qui est mou, qui est souple. Et concernant le fait de choisir pour son urine un endroit mou, et ça notamment ça concerne surtout l'homme, car il se peut qu'il urine debout, comme on va le voir, mais de manière générale c'est valable pour l'homme et pour la femme. Concernant ceci, il y a un hadith. un hadith mais qui est faible. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah, selon Abu Moussa, radiyallahu anhu. Un Abu Moussa, radiyallahu anhu, قال, كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار. الدمث هو التراب, الرخو. فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد بوله موضعا إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. Donc dans un hadith rapporté par Abu Daoud, Abu Moussa radiyallahu anhu dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu uriner. Il est allé auprès de un damath, c'est-à-dire un endroit où la terre est molle. Fait asli jidar, donc à la base d'un mur, il est allé donc auprès d'un mur, à la base duquel se trouvait de la terre molle. Fabala thumma qala, il urina puis dit: lorsque l'un d'entre vous veut uriner, donc qu'il choisisse, qu'il prenne pour son urine un endroit qui est mou. Mais le hadith est faible. Le hadith est faible. Mais cette règle-là, elle va s'appuyer sur le fait que la législation est sévère par rapport au fait que l'individu doit se protéger de son urine. Se protéger de l'urine, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en compte. Et comme il a été cité dans le hadith que l'on va voir, la majorité des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. La majorité des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Donc cette cause-là, qui est la sévérité par rapport à l'urine, elle doit amener la personne à choisir. Donc lorsqu'il urine un endroit qui est mou. Car l'endroit, lorsqu'il va être dur, il va être plus à même de ramener par les éclaboussures l'urine sur la personne. Quels sont les hadiths nous montrant qu'il est important de se protéger de son urine? Il y a d'abord le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. An Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, قال, marra an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما dit: le prophète صلى الله عليه وسلم est passé devant deux tombes. Il est passé devant deux tombes et il dit: ils se font châtier. Et ils ne se font pas châtier dans quelque chose de grand, c'est-à-dire quelque chose qui était difficile à délaisser. Ils se font châtier, mais ne se font pas châtier dans quelque chose de grand, c'est-à-dire de difficile à délaisser, Allah a'lam. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl. Et dans d'autres versions, la yastabri'u min al-bawl. Et dans une autre version, la yastanzihu min al-bawl. Donc on a ces trois expressions. La yastatiru, la yastabri'u, la yastanzihu. Et toutes renvoient au même sens, qui est la protection, le fait de se protéger, donc de son urine, des éclaboussures, de ce qui reste dans les parties, après avoir fini. Donc c'était quelqu'un qui ne faisait pas attention à ses vêtements, à son corps, par rapport à l'urine. Wa amma al-akhar, quant à l'autre, fakana yamshi bin namima, il faisait an-namima, qui est le fait de prendre des paroles d'une personne et les amener à une autre, bi qasdil ifsad baynahuma, en ayant comme but donc de mettre la dissension entre ces deux personnes-là. Et le hadith est unanimement reconnu authentique. Donc ça, c'est un premier hadith nous montrant que le fait de ne pas se protéger de l'urine est une cause de châtiment dans la tombe, qu'Allah nous protège. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: la majorité des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, le Cheikh Al-Albani رحمه الله l'a authentifié. Donc il est clair que le fait de ne pas nettoyer son urine et de ne pas s'en protéger est une cause de châtiment dans la tombe. C'est même la cause principale. C'est même la cause principale. Donc on doit choisir un endroit mou de ce fait-là. Mais il y a des tailles, comme on va le voir. Mais auparavant, je vais ouvrir une parenthèse qui est importante. Ces hadiths-là, ils ne doivent pas nous amener au ouswas. Ils ne doivent pas nous amener à devenir malade et à avoir une phobie de l'urine. Non, ce hadith-là, il faut le mettre dans l'ensemble de la charia. La charia, elle est simple. Elle est venue protéger la raison de la personne. Donc la personne, lorsqu'elle urine et qu'elle a fini son urine, elle se lave de manière normale, comme elle part avec eau de manière abondante. Et une fois qu'elle pense qu'il n'y a plus d'urine, de manière majoritaire, car la certitude est rarement atteinte par la personne. Mais une fois qu'on pense qu'on a nettoyé majoritairement ses parties, on se lève, on remet ses sous-vêtements, et salam alaikum, on ne revient plus, et on commence à méditer, à philosopher sur est-ce que j'ai encore une goutte, peut-être que... Car après on ouvre des portes à Satan qui peuvent être une cause pour qu'on tombe carrément malade. Donc si la charia est sévère par rapport à ce point-là, ce n'est pas pour que l'on tombe dans une phobie, mais c'est pour nous protéger, pour garder notre hygiène. Donc faire attention au SOS, beaucoup de personnes sont touchées par cela. Ils pensent toujours qu'il reste une goutte, parfois c'est l'eau de l'istinja, et ils pensent que c'est l'urine ou autre. Non. Et même s'il y a sortie d'urine ensuite, après l'istinja, on a remis ses vêtements, et que l'on va faire sa prière, mais qu'il y a une réelle sortie d'urine, mais qu'on ne s'en est pas rendu compte. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prend pas à défaut par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman, Rahim, il est miséricordieux. S'il y a une goutte qui est sortie à notre insu, il va nous châtier pour cela. Parce que certains disent, rentre avec cette logique, la logique de on ne sait jamais. Peut-être que. Donc lorsque tu te laves, par exemple, postérieur, et que tu fais ton istinja, tu n'es pas certain que toute molécule d'excrément est partie. Ce n'est pas ça qui t'est demandé. Tu t'es lavé de manière abondante, tu penses de manière majoritaire, alhamdoulilah, que tu es lavé, et terminé. Même si jamais il reste un petit quelque chose. Mais toi, du fait que tu sais majoritairement que tu t'es lavé, Allah subhanahu wa ta'ala ne te prend pas à défaut par rapport à cela. Donc c'est important de couper à la racine le wiswas dans nos pratiques, parce que c'est quelque chose qui va être très inconfortable et ensuite amener sûrement la personne à la maladie, wallahu a'lam. Donc un point qui est en lien avec le point précédemment étudié, qui est le fait de choisir un endroit mou pour son urine, c'est le statut de uriner debout. Donc pour l'homme. حكم البول قائما. Quel est le statut du fait de uriner debout? C'est permis, mais la majorité, donc la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de manière majoritaire, c'est l'urine en position assise. Le prophète alayhi salatu wassalam, majoritairement, il urinait en position assise. Mais il a uriné dans certains hadiths en position debout, comme on va le voir. Donc la base selon laquelle il urine de manière assise, ce sont les hadiths suivants. An Abdurrahman ibn Hassanata radiyallahu anhu qal. Intalaqtu ana wa Amr ibn al-As radiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa kharaja wa ma'ahu daraqatun thumma istatara biha ثم بال فقلنا انظر إليه الدرقة هو الترس البوكلي فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظر إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره رواه الخمسة إلى الترمذي. Abdurrahman ibn Hassana, radiallahu anhu, il dit, ou rahimahullah, je suis parti, moi et Amr ibn al-As, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti et il avait avec lui un bouclier de cuir. Thumma istatara biha, et il s'est voilé avec, il s'est caché avec, puis il a uriné. Nous avons dit, regardez, regardez-le, il urine comme urine la femme. Car les Arabes, donc avant l'envoi du prophète alayhi salatu wa sallam, la femme urinait en position assise, et les hommes, ils urinaient en position debout. Yaboulou kama taboulou l'mar'a. Il urine comme urine la femme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit cela et dit, ne savez-vous pas ce qu'a subi l'homme de Bani Israël? Puis il dit, lorsque l'urine, donc, atteignait leurs vêtements, il leur était ordonné de couper cette partie-là. Puis l'homme de Ben Israël, donc celui dont le prophète, au sujet duquel le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne savez-vous pas ce qui a atteint l'homme de Ben Israël? Puis cet homme-là leur a interdit cela, donc de couper la partie de leurs vêtements qui avait été atteint par l'urine. Fa'udhiba fi qabri, il a été châtié dans sa tombe, Le hadith est rapporté par les cinq, sauf At-Tirmidhi. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, a uriné assis. A uriné assis. Et certaines personnes ont dit, regardez l'urine comme urine la femme. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wa sallam, ensuite? Donc il a rappelé l'histoire de celui qui s'est fait châtier parce qu'il avait interdit à Bani Israël de couper leurs vêtements qui avaient été atteints par l'urine, car il leur était ordonné de couper le vêtement atteint par l'urine. Ce qui veut dire que la position assise, c'est une position donc qui permet de se protéger de l'urine. C'est une position qui se permet de protéger de l'urine. Donc de manière majoritaire, le prophète alayhi salatu wa sallam utilisait cette position au point où Aïcha, donc comme on va le voir, elle a dit que celui qui vous dit que le prophète alayhi salatu wa sallam a uriné debout, fala tusaddiquhu, ne le croyez pas. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, donc dans les longues années, avec Aïcha radiallahu anha, en présence, elle n'a vu, Aïcha n'a vu le prophète alayhi salatu wa sallam uriner qu'en position assise. Et non pas jamais en position debout. Mais on va voir que certains compagnons ont rapporté la position debout. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Selon عائشة رضي الله عنها, elle dit, celui qui vous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم urinait debout, ne le croyez pas. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'urinait qu'en position assise. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais ce hadith-là, donc, il est interprété par le fait que Aïcha, radiallahu anha, elle a donné un jugement en fonction de sa science. Elle n'a pas vu le prophète, alayhi salatu wa sallam, donc uriner en position debout, donc elle a émis un avis par rapport à cela. Mais d'autres hadiths nous montrent qu'il a uriné debout, comme on va le voir. Le hadith suivant nous montre cela. An Hudhayfa radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ata subatat qawmin fabala qa'ima rawahu al-khamsa illa Abu Daoud. Donc Hudhayfa radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé auprès de une décharge d'ordures d'un peuple, donc d'un village. Il est arrivé auprès de la décharge d'un peuple, fabalaqa iman, il urina debout. Il urina debout. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, ici, a uriné debout. Donc c'est légiféré. Ceci est légiféré. Mais la sunna, de manière majoritaire, et à la base, c'est uriner en position assise. Ce hadith-là est rapporté par les cinq, sauf Abu Daoud. Le hadith de Hudhayfa, il est rapporté par les cinq, sauf Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a uriné en position debout pour une raison ou plusieurs raisons. Et les savants, ils ont apporté plusieurs raisons. Certains ont dit pour montrer que c'est permis. D'autres ont dit c'est parce que donc la décharge, il y a sûrement dedans donc des impuretés et que le fait de s'asseoir, notamment donc lorsqu'on veut s'asseoir, hein, le derrière risque de toucher le sol. Et notamment les vêtements aussi. Lorsqu'on va les remonter, il y a risque qu'ils tombent au sol. Donc le fait que le sol ici était impur a amené le prophète alayhi salatu wa sallam à uriner debout. Et d'autres raisons ont été apportées. Certains disent qu'il avait donc une maladie. Il était malade à ce moment-là dans l'arrière de son genou. Mais c'est un hadith faible, Allah a'lam. D'autres disent que c'est les gens faisaient ça pour se soigner donc de la prostate et que le prophète alayhi salatu wa sallam aurait fait ça pour cela, mais il n'était pas malade alayhi salatu wa sallam, donc il n'a pas fait cela pour cette raison. Donc Allah a'lam, hein, ce qui paraît assez fort comme avis, c'est le fait qu'il ait fait cela parce que le sol est impur. Donc par rapport au sol où l'on va faire nos besoins, on a deux critères à prendre en considération. D'une part, le fait qu'il soit mou ou bien dur, et d'autre part, le fait qu'il soit pur ou impur. Donc on avait vu que par rapport au sol qui est dur, hein, il vaut mieux choisir un sol qui est mou pour uriner, afin que l'urine ne revienne pas vers soi-même, hein, qu'on ne soit pas sali. Et par rapport au sol qui est impur, on a vu qu'il y a le danger, il y a le danger de voir ses vêtements ou bien son derrière toucher l'impureté. Donc on a ces deux critères, ces deux empêchements. L'impureté du sol par rapport au fait de faire d'uriner assis et la dureté du sol par rapport au fait d'uriner debout. Donc par rapport à ces critères-là, on va avoir l'endroit dans lequel on va uriner divisé en quatre parties. Donc soit il va être pur, dur, ça va être un sol qui est pur et dur, soit ça va être un sol qui est pur, qui est mou, soit ça va être un sol qui va être impur et dur, soit ça va être un sol qui va être impur et mou. Qui va être impur et mou. Et donc par rapport à cela, hein, les savants, rahimahumullah, ils ont donné des priorités, ou bien du moins une position adoptée en fonction de la caractéristique du sol. Et certains ont fait donc des vers par rapport à cela, dans lesquels ils disent بِالطَّهِرِ الصُّلْ بِجْلِسِي وَقُمْ بِرَخْوِ النَّجِسِي وَالنَّجِسَ الصُّلْ بَجْتَنِوِي وَجْلِسِ وَقُمْ تَعْكِسِي بِالطَّهِرِ الصُّلْ بِجْلِسِي. Donc si le sol est tahir sulb, si jamais il est pur et il est dur, ijlisi, assieds-toi. S'il est pur et dur, tu t'assois. Parce que si tu t'assois comme il est pur, si tes vêtements tombent et touchent le sol, il n'y a pas risque donc qu'il soit souillé par l'impureté. Mais comme il est dur, il vaut mieux que tu t'assoies, hein, que tu t'assoies afin que l'urine ne revienne pas vers toi. Même certains savants, ils disent qu'il faut rapprocher pour l'homme son organe du sol afin que l'urine ne prenne pas trop de vitesse et qu'elle ne revienne pas vers la personne. وَقُمْ بِرَخْوِ النَّجِسِ. Et donc, mets-toi en position debout, بِرَخْوِن, pour le mou, النَّجِس, qui est impur. Celui qui est mou, impur, tu te lèves, car tu vas uriner, et le fait que le sol soit mou, l'urine ne va pas revenir vers toi. Certains savants disent même, si c'est une terre qui est dure, tu prends une pierre et tu frappes afin d'amollir le sol, pour pouvoir uriner dessus, afin qu'elle soit molle. وَنَّجِسَ الصُّلْ بَجْتَنِبِ. Et délaisse le sol qui est impur et dur. Tu le délaisses, tu urines pas dedans et tu cherches un autre endroit. Il est impur, donc faire ses besoins assis, il y a risque, donc pour le derrière, et aussi pour les vêtements s'ils tombent sur le sol. Et le fait d'être debout, il y a aussi risque puisqu'il est dur. وَنَّجِسَ الصُّلْ بَجْتَنِبِ. Donc celui qui est impur, le sol impur et dur, tu le délaisses. وَجْلِسْ وَقُمْ تَعْكِسِي. Et assieds-toi ou bien lève-toi. Tu as le choix entre la position debout et assise. تَعْكِسِي, si jamais c'est le contraire donc du cas précédent. Le cas précédent c'était impur, dur. Donc là ce sera pur, mou. Si jamais le sol il est pur et mou, alors si tu veux tu t'assois ou si tu veux tu fais debout. Mais le mieux c'est de faire assis, car on a vu que la majorité du temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses besoins assis. L'imam ibn Qudama rahimahullah dit ensuite: wala yabulanna fi thuqbin wala shiqqin. Et il ne doit pas uriner fi thuqbin, dans un trou, wala shiqqin, ni dans une fissure. Donc par cette expression, il dit qu'il est interdit, et là c'est makruh, hein, selon les savants, il est makruh, détestable, donc d'uriner fi thuqbin, dans un trou, donc il se trouve au sol, wala shiqqin, et ni dans une fissure. Quelle est la raison de cela? Ça a été apporté dans un hadith que l'on cite en arabe. An Qatadata rahmatullahi alayhi, an Abdillah ibn Sarjis radiyallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an yubala fil juhr. Qalu li Qatada rahimahullah, in sa'alu ma yukrahu min al bawl fil juhr, qala kana yuqalu innaha masakinul jinn. Rawahu Ahmad wa Abu Daoud wa An-Nasa'i wa Al-Hakim. Selon Qatada, qui est un tabi'i, radiyallahu an, selon Abdullah ibn Sarjis, radiyallahu an, donc selon Qatada, rahimahullah, selon Abdullah ibn Sarjis, radiyallahu an, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit d'uriner donc dans les trous. Il a interdit d'uriner dans le trou. Ils ont demandé à Qatada, donc certaines personnes ont demandé au rapporteur Qatada, qui est le tabi'i, qui a entendu lui-même, du compagnon, il y a divergence, est-ce qu'il a entendu ou pas, Allah a'lam. Ma yukrahu min al-bawl fil juhr. Pourquoi est-ce qu'il est donc détestable d'uriner dans le trou? Qala kana yuqal innaha masakinul jinn. Il dit, nous disions, donc il était dit que ce sont les demeures des djinns. Le hadith est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, An-Nasa'i, wal-Hakim. Donc ça c'est une raison que Qatada a rapporté le fait que ces trous-là donc, sont les demeures des djinns. Ça, c'est une première raison. Une autre raison que citent les savants, c'est qu'il se peut que sorte une vipère ou une autre bête et qu'elle fasse donc du mal, qu'elle atteigne par le mal la personne qui est en train de faire ses besoins. Une autre raison, c'est qu'il peut y avoir des insectes. Et lorsque l'on va uriner, ils vont sortir de ce trou-là et monter, et éventuellement, donc, souiller nos vêtements ou bien notre corps, car ils porteront donc l'impureté de notre urine. Et ce hadith-là, il y a une grosse divergence. Est-ce qu'il est authentique ou pas ? Allah a'lam. Mais des savants l'authentifient. Wal-ilmu 'indallah. Wala yabulanna fi thuqbin wala shiq. Donc le trou et la fissure, hein, c'est quasiment la même chose, ça a le même statut. Donc il est makruh, détestable d'uriner là-dedans. Wala tariqin wala dhillin nafi'. Et non plus, il ne doit pas uriner. Donc fi tariq, donc dans la route, wala dhillin nafi', ni dans une ombre nafi'. Dans une ombre nafi', c'est-à-dire une ombre que les gens sous laquelle les gens vont se reposer, s'asseoir et se protéger de la chaleur. Donc ces deux endroits-là qui sont la route, qui est empruntée par les gens, qui est fréquentée par les gens. Et l'ombre, pas n'importe quelle ombre, pas toutes les ombres, hein, mais l'ombre dont on sait que les gens vont s'asseoir pour se protéger de la chaleur du soleil, c'est une ombre utilisée par les gens. Ces deux endroits-là, il est interdit donc d'uriner là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est un mal. C'est un mal et c'est un dhulm, c'est une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala interdit donc de faire du mal aux gens. Même si c'est une ombre utilisée par les mécréants, hein, qui n'est pas utilisée par les musulmans, il est interdit d'uriner là-bas. Même si c'est une route qui est empruntée seulement par des mécréants, il est interdit d'uriner. Mais ça, ce sont des portes que l'on devrait aujourd'hui étudier et transmettre, hein, dans nos mosquées. Parce qu'on voit aujourd'hui, hein, des gens qui urinent dans les ascenseurs, dans les montées d'escaliers, dans les porches. Et ce sont des gens souvent qui ne sont pas, enfin, certains sont mécréants, beaucoup même, mais qui ne se disent pas mécréants, qui pensent être musulmans. Donc le fait de se prétendre musulman et de faire ce type d'acte-là, c'est quelque chose qui est très très très grave, hein, d'uriner dans une montée d'escalier, dans un ascenseur. Et ça entre dans le kabair. Ce n'est pas makruh. Contrairement à ce qui a été cité précédemment, comme uriner dans un trou. Ça entre dans le kabair, comme on va le voir dans le hadith suivant. Enfin, du moins, c'est haram. C'est un acte qui est haram. Et ça fait du mal aux gens. Les personnes n'ont pas envie de monter dans un ascenseur dans lequel on a uriné. Ils n'ont pas envie de monter chez eux et de passer par des escaliers sur lesquels quelqu'un est venu uriner. Les caves aussi. Ça, c'est devenu quelque chose de classique aujourd'hui dans les quartiers populaires, hélas, qui sont habités majoritairement par des gens d'origine musulmane. Les gens urinent dans les caves, il y a des odeurs nauséabondes. Donc ça, c'est de notre responsabilité de propager cela et d'étudier ces textes-là dans les mosquées chez nous, car dans la société dans laquelle on vit, on ne vous enseignera pas cela. Et hélas, aujourd'hui même, dans certaines mosquées, on ne parle pas de ces choses-là. Allah a'lam. Donc il dit wala yabulanna fi thukbin wala shiqin wala tariqin wala dhillin nafi'. Quelle est la preuve de l'interdiction d'uriner donc dans la route ou bien dans une ombre qui sert aux gens? C'est le hadith suivant. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittaqul la'anain. قال ومن لعاناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. سنو أبو هريرة رضي الله عنه المساجد الله صلى الله عليه وسلم dit اتقوا اللعانين. Craignez donc les deux maudisseurs, c'est-à-dire les deux choses qui amènent la malédiction. La malédiction peut-être d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres savants disent aussi que les gens ensuite font des doigts, des invocations pour que cette personne soit maudite. Donc, craignez les deux maudisseurs. قالوا ومن لعانين. Et quels sont les deux maudisseurs au messager d'Allah? قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Il a dit c'est celui qui fait ses besoins dans la route des gens ou bien dans leur ombre, rapporté par Muslim. Donc ça entre dans le haram et non pas dans le makruh. ولا تحت شجرة مثمرة. Et non plus sous un arbre fruitier. Donc il est aussi makruh et non pas interdit là. Certains savants ont dit haram, On va voir qu'il est makruh, donc d'uriner sous un arbre fruitier. Donc l'arbre fruitier, c'est l'arbre qui donne des fruits. L'arbre qui donne des fruits, il est donc interdit de manière makruh, donc d'uriner à la base de celui-ci. Et il y a un hadith rapporté par At-Tabarani concernant cette interdiction, mais il est faible. Le hadith n'est pas authentique concernant cette interdiction. Mais ça entre toujours dans l'interdiction de faire du mal aux gens. L'interdiction générale, hein, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire du mal aux gens. Et l'arbre fruitier, c'est un arbre qui est visé par les gens. Les gens vont vers cet arbre-là pour prendre de ses fruits. Et donc c'est un acte qui va amener à faire du mal aux gens qui iront auprès de cet arbre-là. An-Nawawi, il a dit dans le Majmou' qu'il y a consensus des savants que cet acte-là, il est makruh. Ensuite, il a dit « وَإِنَّمَا لَمْ يَقُولُوا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ لِأَنَّ تَنَجُّسَ الثِّمَارِ غَيْرَ مُتَيَقِّنِ » Et les savants n'ont pas dit que cet acte-là est haram, car l'impureté des fruits, le fait que les fruits vont devenir impurs, n'est pas sûr. L'imam ibn Qudama, rahimahullah, dit ensuite « وَلَا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا » وَلَا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا Et il ne doit pas faire face donc au soleil et à la lune lorsqu'il fait ses besoins. Lorsque la personne fait ses besoins, selon l'imam Ibn Qudama, selon ce texte-là, il ne doit pas faire face au soleil et à la lune. Et il y a un hadith qui est batil, qui est maudou', mensonger, qui n'existe pas concernant cela. Un hadith selon lequel il ne faut pas uriner en faisant face au soleil ou à la lune, par honneur envers ces deux astres-là, et parce qu'il y aurait donc des anges au-dessus de chacun d'eux. Mais le hadith, il est batil, il est faux. On ne dit pas il est faible. Il est faux, inexistant. C'est un hadith qui n'a pas de source. Et en plus, le fait d'interdire de manière totale de faire face au soleil lorsqu'on fait ses besoins, ça va à l'encontre du hadith de Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, dans lequel il a dit « La tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha bira'itin wa la baul walakin sharriqu aw gharribu » Ne faites pas face ou bien ne donnez pas d'eau à la qibla lorsque vous faites vos besoins, walakin sharriqu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walakin sharriqu, mais dirigez-vous vers le lever du soleil, aw gharribu, ou bien vers le coucher du soleil. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam ici a dit « Dirigez-vous vers le lever du soleil. » Donc ça prouve bien qu'il n'est pas interdit donc de faire ses besoins en direction du soleil. Et non plus la lune, il n'y a pas de délil par rapport à ça. Certains savants ont apporté une illa, une cause. Notamment lorsque la lune est pleine, les nuits 13, 14, 15, c'est que donc la lune illumine et fait beaucoup de lumière, et le fait donc de s'orienter vers la lune va être une cause pour que la aura, la partie intime de la personne, soit plus visible que si jamais elle se met de profil par rapport à la lune. Mais Allah a'lam, cette cause-là non plus ne permet pas de dire que faire face au soleil ou à la lune est makruh ou bien haram. Wala yastaqbilu shamsan wala qamara, donc c'est permis, car c'est la base et il n'y a pas de délil permettant de dire que c'est makruh ou bien haram. Wala yastaqbilu al-qiblata wala yastadbiruha, et il ne fait pas face à la qibla et ni ne lui donne son dos. Li qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tastaqbilu al-qiblata bira'itin wala bawl, ne faites pas face à la qibla bira'it, donc ça c'est la défécation, wala bawl, ni urine, wala tastadbiruha, et non plus ne lui donnez pas votre dos. Donc le hadith, il est rapporté par le Bukhari Muslim. C'est un hadith unanimement reconnu authentique qui montre qu'il n'est pas permis de faire face ou bien de donner son dos donc à la qibla lorsque l'on urine ou bien défèque, lorsqu'on fait ses besoins donc de manière générale. وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ. Puis ensuite l'imam Ibn Qudama rahimahullah dit وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ, et ceci est permis donc dans les maisons, dans les constructions. Donc le hadith précédent, selon l'imam Ibn Qudama, l'interdiction de faire face ou bien de donner son dos à la qibla lorsqu'on n'est pas donc dans des toilettes fermées, ça selon les quatre madhab, selon les quatre écoles, hein, c'est interdit. Après, est-ce que c'est interdit makruh ou bien haram, il y a divergence, Allah a'lam. Mais la base, le prophète alayhi salatu salam, il a interdit, donc à la base, Allahu a'lam, c'est que c'est haram. Mais il y a divergence. Est-ce que c'est haram ou makruh ou al-ilmu 'indallah? Ensuite, l'imam Ibn Qudam a dit wa yajuzu dhalika fil bunyan. Donc, si on est dans une maison, dans une demeure, et que les toilettes sont fermées, ou bien dans des toilettes fermées qui ne sont pas dans une maison, ça existe ça. Des toilettes fermées en dehors des maisons, ça existe beaucoup dans les campagnes, dans les pays étrangers. Wa yajuzu dhalika fil bunyan, il dit c'est permis donc dans une construction. Pourquoi est-ce qu'il a fait donc cette exception? C'est par rapport à un hadith. An Ibn Umar radiallahu anhu. قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه. Donc Ibn Omar رضي الله عنه m'a dit j'ai grimpé au-dessus donc de la maison de Hafsa qui était sa sœur. J'ai grimpé au-dessus donc du toit de la maison de Hafsa radiallahu anha pour un besoin. Il avait besoin de cela. Fara'aytu Rasulallah, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins, donnant le dos à la Qibla et faisant face au Shem, la région connue Shem, la Syrie, la Jordanie, etc. Muttafaqun alayh, unanimement reconnu authentique. Donc ici le prophète alayhi salatu wa sallam, il a donné son dos à la Qibla, mais il n'a pas fait face. De ce hadith-là, puisque ceci donc s'est fait à l'intérieur de la maison donc de Hafsa, qui était l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, que ça s'est fait alors que le prophète alayhi salatu wa sallam était entouré de murs, certains savants ont dit donc qu'il est permis donc de faire face et de donner dos à la Qibla lorsqu'on est dans des toilettes fermées. Et donc c'est l'avis apparent cité par l'imam Ibn Qudama selon son texte Al-Umda. D'autres savants ils disent que l'interdiction elle reste totale. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, de beaucoup de savants, parce que le prophète alayhi salatu wassalam ici il n'a pas visé la législation. Il ne l'a jamais fait devant les gens. Et il n'a pas visé la législation. Et que ça s'est fait par coïncidence. Ibn Omar il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Mais s'il avait visé la législation, il l'aurait fait devant les compagnons. Ou bien il l'aurait montré par la parole. D'autres savants utilisent ce hadith-là pour dire que la base, donc puisque la base c'est le tahrim, l'interdiction, le haram, dans le hadith précédent qu'on avait cité, d'Abu Moussa et aussi le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, ne faites pas face ou ne donnez pas votre dos à la Qibla. La base c'est l'interdiction et le prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'il a fait par l'acte, donc l'interdiction baisse d'un cran et devient makro. Ça devient makro. Ça reste toujours interdit, mais makro. Encore, il y a beaucoup d'avis. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah il dit que la base, ça reste interdit par rapport à l'istiqbal, faire face. Et le hadith, il parle de l'istidbar, qui est donner le dos. Donc, il est permis de donner le dos, mais pas l'istiqbal, pas de faire face. Allah a'lam, on va rester simple. Bismillah, azza wa jal. Les deux avis prépondérants, Allah a'lam, c'est que l'interdiction totale et absolue, même dans une maison, de faire face ou bien dos à la Qibla. Ça, c'est le premier avis. Et Allah, pour être plus sûr, c'est celui qu'on essaie au moins de pratiquer. Je ne dis pas en théorie c'est le plus fort, parce que c'est une divergence forte et ce n'est pas un petit comme moi de dire que ça c'est plus fort ou pas. Donc c'est au moins en pratique, il faut essayer de pratiquer cet avis-là. Même dans une maison, pour sortir du khilaf de la divergence, de ne pas faire face ou donner son dos à la Qibla. Et l'avis disant que dans une construction, il est permis de faire face au dos en se basant sur le hadith d'Ibn Omar, il a sa force aussi, et c'est en plus l'avis d'Ibn Qudama, rahimahullah. On avait dit qu'on ne sortait pas des paroles d'Ibn Qudama, vraiment, s'il y avait un avis fort ou bien plus fort que celui qui est cité, mais cet avis-là, il est fort. Et beaucoup même de savants contemporains, Cheikh Ibn Baz, et de l'avis d'Ibn Qudama, cité ici, selon lequel dans les maisons, on peut faire face au dos à la Qibla, wallahu a'lam. Mais le mieux, c'est sortir de la divergence et ne pas faire face au dos, même dans des toilettes fermées. فَإِذَا قَطَعَ الْبَوْلُ, on revient donc au texte. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit فَإِذَا قَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ. Et lorsque l'urine s'arrête, il essuie donc de la base مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ, de son pénis, إِلَى رَأْسِهِ, jusque au bout de celui-ci. Donc ça, certains savants l'ont préconisé. Pourquoi? Parce que ça aide à donc faire sortir les dernières gouttes d'urine, et donc c'est plus hygiénique et plus à même de se débarrasser de l'urine. Wallah alam, ce n'est pas légiféré, parce qu'il n'y a pas de dalil par rapport à cela. Et en plus, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a dit que tout ça, ça entre, c'est dans la bid'ah. Ces choses-là, ça entre dans l'innovation. Et en plus, l'urètre, il me semble, l'urètre, il contient toujours donc de l'urine. Jamais il ne sèche constamment. Et bien au contraire, le fait donc de presser l'organe ou bien de passer l'index de sa base jusqu'au bout pour faire sortir les dernières gouttes, ça va toujours faire un appel d'urine. Il y aura toujours de l'urine qui viendra. Et en plus, l'organe risque de s'habituer à cela et ça risque de créer ensuite de l'incontinence qu'on appelle en arabe salas al-bawl. Et ça affaiblit l'organe et l'organe s'habitue à cela ensuite. Donc il faut le délaisser et c'est montré médicalement, wallah a'lam. Thumma yanturuhu thalatha. Puis ensuite, il le tire trois fois. Thumma yanturuhu thalathan. Et dans cela, concernant le fait de tirer trois fois donc son organe, il y a un hadith faible à ce niveau-là, rapporté par Ibn Majah, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit إِذَا بَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il tire donc son pénis trois fois. Mais le hadith est faible. Et de même, cette pratique-là n'est pas légiférée. Elle n'est pas légiférée car elle affaiblit l'organe et l'habitude et ce n'est pas bon médicalement. Et bien avant de justifier par le fait que médicalement ce n'est pas bon pour l'organe, c'est qu'il n'y a pas de délil. Il n'y a pas de délil, donc on ne fait pas des pratiques comme cela sans délil. Et il y a d'autres pratiques aujourd'hui répandues, hein, qui n'ont pas de base non plus, c'est notamment le fait de marcher. Le fait de marcher. Certaines personnes, ça je l'ai vu de mes propres yeux, ils sortent des toilettes en mettant donc un bout de papier au niveau de leur organe et ils marchent. Ils marchent parfois carrément dans le couloir de la mosquée. Certains ont même des pas, des nombres, 33 pas. Ils comptent 33 pas et ils rentrent ensuite dans les toilettes et finissent leur istinja. Ils disent pour que les dernières gouttes sortent. Et ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et de même, le fait de tousser. Certains toussent hein, pour pouvoir faire sortir les dernières gouttes. Certains sautent, ils font des gestes. Ça aussi, ce n'est pas permis, tout ça entre dans l'innovation. Sauf si jamais vraiment la personne a les sphincters très fatigués, certains savants ont dit, et qu'il a besoin de tousser vraiment, et qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il le sait par expérience, que lorsqu'il ne le fait pas, il a des gouttes qui sortent des restes, alors le fait de tousser quelques fois vont lui permettre de faire sortir ses dernières gouttes. Alors là, c'est légiféré, mais de manière personnelle, parce qu'il est dans un cas particulier. Mais faire cela sans aucune raison, ce n'est pas permis. Simplement pour faire sortir des gouttes, s'il n'y a pas donc maladie ou besoin de cela, c'est interdit et cela entre dans l'innovation. Et il ne doit pas toucher ذَكَرَهُ بِيَمِينِ, son pénis avec la main droite. وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهَا, et il ne doit pas s'essuyer avec la main droite. Donc ces deux notions-là, elles sont interdites. Makruha, et certains vont jusqu'au tahrim, dire que c'est haram. Donc la personne prend des péchés si elle les fait. Le fait de donc toucher son pénis avec la main droite et aussi le fait de s'essuyer avec la main droite. Wala yatamassahu biha. Et ces deux notions-là sont réunies dans un même hadith. An Abi Qatadata radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. Selon Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne tienne pas donc son pénis avec la main droite alors qu'il urine et qu'il ne s'essuie pas donc avec sa main droite متفق عليه, et qu'il ne s'essuie pas donc de ses besoins avec sa main droite, unanimement reconnu authentique. L'imam Ibn Qudamah dit rahmatullah alayhi ensuite, thumma yastajmir witra, puis ensuite il fait l'istijmar de manière impaire. Thumma yastajmir witra, puis il fait l'istijmar donc de manière impaire. L'istijmar donc c'est l'utilisation de quelque chose de pur, pierre ou autre, pour enlever pour enlever l'impureté se trouvant donc au niveau de l'organe, au niveau du postérieur ou bien devant, donc l'urine ou bien les excréments. Et c'est une forme donc de purification que le prophète alayhi salatu wa sallam utilisait ainsi que les compagnons. Et lorsqu'on fait l'istijmar, donc avec des pierres ou bien avec du papier toilette, comme on va le voir, on va dire ensuite avec quoi est-ce qu'on peut faire l'istijmar ou pas. Lorsqu'on fait l'istijmar, on doit le faire donc de manière impaire. Et ça c'est ce que a ordonné le prophète alayhi salatu wa sallam. Dans le hadith suivant, « An Abi Hurayrat radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, man istajmara falyutir, muttafaqun alayhi. Celui qui fait l'istijmar, qu'il le fasse donc de manière impaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par de manière impaire? C'est-à-dire qu'il faut que le nombre d'essuiements soit impair. Et on verra, il faut qu'il soit égal à 3 ou plus. On va le voir ensuite. Donc il faut faire au minimum 3 essuiements. Soit 3 pierres différentes, ou bien si jamais une pierre a plusieurs faces, qu'on le fasse par 3 faces différentes. Si on le fait avec du papier toilette, donc le faire 3 fois. Avec un premier papier, j'essuie. Ensuite, je peux le plier, réessuyer, encore le replier et réessuyer 3 fois. Si jamais, donc le troisième essuiement, sur mon papier, j'ai encore des traces d'excréments. Là, je parle pour le derrière. Si j'ai encore des traces d'excréments, je suis obligé de rajouter. C'est un essuyage, je crois qu'essuiement ça n'existe pas. Un essuyage. Si au quatrième, donc le papier sort propre, je suis obligé de rajouter donc un cinquième essuyage, wallah alam. Certains disent que c'est mustahab, d'autres disent que c'est obligatoire, de l'imparité au niveau de l'essuyage. Donc est-ce que ce point-là est compris? Donc soit je suis impair dans le nombre d'objets utilisés, mais il faut que mon nombre d'essuyages soit impair. Si j'utilise un premier papier, j'essuie 2 fois avec ce papier. Ensuite, j'utilise un autre papier, j'utilise une fois ce papier. Un troisième papier que j'utilise une fois. J'ai combien d'essuyages? 4. Donc, je ne dis pas parce que j'ai utilisé 3 papiers, j'entre dans le hadith. Il faut que le nombre d'essuyages soit au nombre de 3. Ou bien le nombre donc d'objets utilisés, mais toujours avec un nombre d'essuyages total qui est impair. ثم يستجمر وترا puis fait l'istijmar donc de manière impair. ثم يستنجي بالماء puis fait l'istinجا بالماء. L'istinجا donc c'est l'utilisation de l'eau. L'utilisation de l'eau. Et ça aussi c'est mustahab. Et c'est plus hygiénique donc que l'istijmar. Car l'istijmar il fait partir donc la najasa, mais l'athar il fait partir aynu najasa. La najasa en elle-même elle s'en va, mais le athar, les restes, les traces sont toujours présentes. وهذا معفو ان c'est pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cela, mais l'eau fait partir la najasa et aussi la trace. وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه, et si jamais donc il se restreint à l'istijmar, il se contente de l'istijmar اجزاءه, ceci lui suffit. Et les hadiths par rapport à cela, عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الدار قطني. Selon Aïcha رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous va aux toilettes, qu'il parte et qu'il ait avec lui 3 pierres avec lesquelles il se nettoie, car cela lui suffira. Le hadith est rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i. Et l'imam Ad-Daraqutni, rahimahullah, a dit que c'était un hadith qui est bon. وَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْإِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ, donc si jamais il se contente de l'istijmar, cela lui suffit. إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْعَادَ, si jamais la najasa, l'impureté, ne dépasse pas مَوْضِعَ الْعَادَ, c'est-à-dire l'endroit habituel par lequel elle sort, donc l'orifice de l'anus. Donc l'orifice, cet orifice-là, si jamais l'excrément dépasse cet orifice-là, il faut le nettoyer à l'eau. Donc, si jamais ça part sur les fesses, il faut nettoyer à l'eau. Certains savants ont dit que l'istijmar suffit même partout dans le corps. Le bras, la jambe ou autre. Hein, et que le athar, la trace qu'il reste, elle est pardonnée, Inch'Allah. Moi, je rapporte ça parce qu'il se peut que vous entendiez ou écoutez autre chose. Hein, mais à la base, on ne rapporte pas tous ces khilafs-là. On n'en a pas besoin. Hein, la base dans la najasa doit être lavée. On suit le shir dans sa parole. Donc, si jamais l'impureté, si jamais l'impureté dépasse donc l'endroit par lequel elle sort habituellement, donc que ce soit pour les parties de devant, pour l'homme ou la femme, si jamais l'urine va par exemple jusqu'au testicule ou bien dépasse simplement l'orifice par lequel elle sort habituellement, est-ce qu'il est permis de faire l'istijmar, essuyer par exemple le pénis avec une pierre ou du papier toilette pour enlever l'urine qui est sur les testicules ou le pénis ou autre? Non, ce n'est pas permis. Simplement le bout. C'est permis pour le bout. Pour le reste, il faut laver. Pour derrière, c'est pareil. Tant que ça reste simplement dans l'orifice de l'anus, c'est bon. On peut faire l'istijmar. Si jamais ça dépasse, et que ça dépasse sur les fesses ou autre, on est obligé à ce moment de laver à l'eau. Wallahu a'lam. وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ. Et moins de trois essuyages munqiyah, donc qui laissent l'endroit propre, ne sont pas suffisants. Donc si jamais je fais l'istijmar et qu'au premier essuyage c'est propre, je sors la pierre ou bien le papier toilette, et le premier essuyage, je vois que ça sort et c'est propre, je suis quand même obligé d'utiliser trois pierres. Si jamais je sors une première pierre, je m'essuie avec une première pierre ou un premier papier, donc ça sort, il y a des traces de najasa, d'impureté, et qu'ensuite je m'essuie avec un deuxième bout de papier et qu'il sort propre, est-ce qu'il est suffisant? Non. Il a dit wala yujzi'u aqallu min thalathi mashat, et moins de trois essuyages, moins de trois essuyages ne sont pas suffisants. Il faut obligatoirement qu'on en ait trois. Il faut obligatoirement qu'on en ait trois. Et il a dit munqiyah, parce que si jamais le troisième essuyage, il laisse encore des traces, je suis obligé de faire un quatrième. Et si le quatrième il sort propre, je rajoute le cinquième par rapport au hadith man istajmara falyutir, celui qui fait l'istijmar, qu'il le fasse de manière impaire. Wa yajuzu l'istijmaru bi kulli tahirin illa ar-rawth wal 'idhama wa ma lahu hurma. Et il est permis de faire l'istijmar avec toute chose pure, avec toute chose pure, car c'est la base. Allah subhanahu wa ta'ala nous a asservi ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Illa ar-rawth, sauf donc ar-rawth, c'est l'excrément donc des animaux, wal 'idham, et l'os, wa ma lahu hurma, et ce qui est sacré. Illa ar-rawth wal 'idham. L'interdiction de faire l'istijmar avec al-rawth et al-idham, il est réuni dans un même hadith. Le hadith suivant, lima rawahu muslim rahimahullah an salman radiyallahu anhu qala laqad nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji' aw 'azm. Donc dans Sahih Muslim, Salman radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire face à la qibla par défécation ou bien urine, wa an nastanjiya bil yamin, et de donc se laver avec la main droite, aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar, ou bien de faire l'istinja avec moins de trois pierres, wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azm, ou bien de faire l'istinja avec un raji' huwa ar-rawth. Raji', c'est l'excrément des animaux, ou adm, ou bien avec un os, ou bien avec un os. Quelle est la cause de l'interdiction donc de faire l'istinja avec cela? Il y a deux grandes raisons. Al-raji' et al-adm, donc l'excrément et l'os, ils ne purifient pas, comme c'est rapporté dans le hadith suivant. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qal inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha أن نستنجي بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران رواه الدار قطني والصحاحة. أبو هريرة رضي الله عنه a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc de s'essuyer avec un os ou bien un excrément, et il a dit ceci ne purifie pas, ces deux choses là ne purifient pas. Le hadith est rapporté par الدار قطني, il l'a authentifié. Quelles sont les caractéristiques qui font que ça ne purifie pas? العظم, l'os, parce que c'est lisse. Et donc, de cette caractéristique qui est le fait que ce soit lisse, il est donc aussi interdit de faire l'istijmar avec tout ce qui est lisse. La soie, par exemple. Une feuille d'arbre qui est très lisse. Pourquoi? Parce que ça entre dans le hadith. Innahuma la yutahhiran. Ça ne rend pas, ça n'essuie pas. De même, Ezoujège, le verre. Le verre aussi, ça ne nettoie pas. Et par rapport au Raouth, c'est le fait que ça s'effrite. Donc de même, quelque chose qui s'effrite, on ne fait pas l'istijmar avec, car ça ne nous amène pas au but escompté, qui est de se purifier. Et il y a aussi une autre raison, c'est que Raouth, certaines formes d'excréments sont la nourriture des montures des djinns, et Al-Izam et les os sur lesquels on a évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sont la nourriture des djinns. Les djinns trouvent de la viande autour de ces os-là, comme ça a été rapporté dans les hadiths suivants. Nous les citons dans Sahih Muslim, An ibn Mas'ud radiyallahu an. Donc dans un long hadith concernant une nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les djinns. Il dit à la fin de ce hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Atani da'il djinn, فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال ابن مسعود فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. Donc dans Sahih Muslim, Ibn Mas'ud, donc il rapporte ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, donc da'il djinn, donc celui qui a prêché les djinns, quelqu'un avait entendu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran. Ce djinn-là, il est allé donc auprès des autres djinns et il les a prêchés. Et ensuite, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir pour rencontrer les autres djinns. Il dit, je suis parti avec lui et j'ai lu sur eux le Coran. Puis Abdullah ibn Saoud dit, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a pris, c'est-à-dire les compagnons, et il nous a amenés à l'endroit où il avait lu le Coran avec les djinns, et il nous a montré leurs traces, les traces des djinns et les traces de leur feu. Wa sa'aluhu az-zad, et ils ont demandé donc de la nourriture au prophète alayhi salatu wa sallam. Qui a dit? L'imam Muslim, il a dit que la parole suivante là, c'est la parole de Shu'ba. Ce n'est pas la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, mais cette parole elle va être ensuite appuyée par une autre version d'Al-Bukhari qu'on va citer ensuite. لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما. Vous avez pour tout os sur lequel on a évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que c'est l'os qui, lorsqu'on le mange, on dit bismillah sur cet os là lorsqu'on mange cette nourriture dans laquelle il y a un os, ou bien est-ce que c'est l'os de la bête sur laquelle on a évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on égorge Allah a'lam. Vous avez pour tout os sur lequel on a évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi vous, il sera donc entre vos mains, plein de viande. Lorsque vous le récupérerez, il sera pour vous plein de viande. Et vous avez dans tout excrément une nourriture pour vos montures. Donc ça pour les montures des djinns. Le hadith est rapporté par Muslim. Chez le Bukhari, donc dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليهما طعما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai prié Allah pour eux qu'ils ne passent pas devant un os ou bien un excrément sans qu'ils trouvent en eux de la nourriture. Donc l'os est la nourriture des djinns, car ils trouvent en lui de la viande, et l'excrément et la nourriture de leur monture. Donc il n'est pas permis de faire l'istijmar pour les deux caractéristiques qu'on avait dit tout à l'heure, parce que l'un est lisse et l'autre s'effrite, et aussi pour cette raison-là, car parmi ces os-là, ou bien ces excréments, il y a de la nourriture pour les djinns et leur monture. Mais il y a aussi, donc dans ces hadiths-là, la preuve qu'il est interdit de faire l'istijmar bima lahu hurma. Il est interdit de faire l'istijmar pour quelque chose qui est sacré. Comme par exemple, la nourriture. La nourriture, ça a une horma, c'est quelque chose qui est sacré. Il est interdit de faire l'istijmar avec la nourriture. Et même celui qui fait ça, istihza'an bi ni'matillahi azza wa jalla, yakfur. Des savants disent que celui qui fait cela par mépris du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un annulatoire de l'islam. Donc il n'est pas permis de faire son istijmar avec cela. Certains savants disent que les épluchures, lorsqu'elles sont sèches, il est permis de faire l'istijmar avec les épluchures d'orange, par exemple, lorsqu'elles sont encore sèches, ainsi que les noyaux. Les noyaux, lorsqu'ils sont secs, il est permis, Wallahu a'lam, de faire l'istijmar, comme l'ont cité certains savants. Et de même, parmi les choses qui ont une hurma, qui sont sacrées, les livres de science, les livres, les papiers sur lesquels il y a le nom d'Allah, du prophète, alayhi salatu wassalam, les livres de ilm, sans parler du Qur'an, celui qui fait l'istijmar bil Qur'an, d'ayakfur, Bilitifaq. Les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ma lahu hurma. Donc toute chose qui est sacrée, il est interdit de faire l'istijmar avec. Wallahu a'lam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Celui qui donne de l'importance aux législations d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Donc il est interdit de faire l'istijmar avec toute chose qui est respectable. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.